إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى وتمسكوا بدينكم الذي به نجاتكم وسعادتكم واحذروا دسائس الأعداء الذين يريدون القضاء على هذا الدين بشتى الوسائل والمحاولات ومن شر هذه الدسائس القضاء على الدين باسم الدين وذلكم بأن تحدث أمور تزاد في الدين وهي ليست منه Ô musulmans, serviteurs d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et accrochez-vous, cramponnez-vous à votre religion dans laquelle se trouve votre salut et votre bonheur et prenez garde contre les pièges des ennemis qui veulent la destruction de cette religion avec divers moyens et diverses tentatives. Et parmi les pires de ces pièges, mes frères et mes sœurs, la destruction de la religion au nom de la religion, c'est-à-dire le fait d'ajouter des choses nouvelles à la religion alors qu'elles n'en font pas partie. وَقَدْ حَذَّرَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ هَذِي الدَّسَائِسِ وَهَذِي الْمُحْدَثَاتِ وَوْضَحَا لَنَا صِفَاتِ أَصْحَابِهَا لنكون منها ومنهم على حذر قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى Et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont mis en garde contre ces pièges et contre ces nouveautés. Ils nous ont clarifié les caractéristiques de leurs partisans, afin qu'on soit averti de cela. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans son livre, au sens approché, « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur ». Et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, au sens approché, « Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. » Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ayyuha an-nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi » فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم وصححه الألباني. Et notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit et a dit à ses compagnons, « Oh vous les gens, j'ai certes laissé pour vous deux choses. Si vous vous accrochez à celles-ci, alors vous égarez jamais. » Le livre d'Allah, le Coran, et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté le Hakim et authentifié par Cheikh al-Albani. وقال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وصححه الألباني. Et notre prophète bien-aimé صلى الله عليه وسلم a dit également, certes le meilleur discours c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des voix, c'est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les nouveautés dans la religion. Et toute innovation est un égarement, comme l'a rapporté l'imam Ahmed et authentifié par Al-Albani. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود وصححه الألباني. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on aime plus que quiconque parmi les êtres humains, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas de ses propres passions, mais qui parle par révélation, a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, celui d'entre vous qui vivra après moi verra de nombreuses divergences. Le prophète nous annonce que beaucoup de divergences arrivera dans la communauté ou arriveront dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a pas laissé sans solution. Il nous a donné la solution. Il nous a dit, accrochez-vous à ma sunna. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Car toute nouveauté dans la religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud et authentifié par Cheikh al-Albani. Ibad Allah, fahadi nusus min al-kitab wa sunna, fihi al-amru bittiba' al-kitab wa sunna, wa nahyu an al-ibtida' wa al-mubtadi'in. Ô serviteur d'Allah, il y a donc dans ces textes tiré du Coran et de la Sunna, l'ordre de suivre le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'interdiction d'innover, l'interdiction de rajouter des choses dans la religion et l'interdiction d'être innovateur. والبدعة عبارة عن كل ما أحدث في الدين وهو ليس منه بأن لا يكون عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين. أما ما أحدث من العادات والأعمال الدنيوية المباحة كالمخترعات الحديثة الاختلاف أنواعها فهذه مباحة لأن الأصل في العادات والمنافع العلم إلا ما ترتب عليه ضرر أو استخدم في محرم. البدعة l'innovation, mes frères et mes sœurs, est une formule qui désigne tout ce qui a été rajouté dans la religion et qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni auprès des califes bien guidés radiyallahu anhum, quant à ce qui a été rajouté dans les usages communs et dans les œuvres de la dunya, alors ceci est permis, comme les différentes inventions de notre époque. Hein, ne vous faites pas tromper mes frères et mes sœurs, hein, par ces charlatans qui veulent pousser les gens dans la bid'a en prétendant, hein, que certaines bid'a sont bonnes, hein, et ils contredisent ceux qui réprimandent la bid'a en mentionnant par exemple le fait de prendre l'avion pour le hajj, hein, etc. Ici on ne parle pas des choses de la dunya, on parle des choses du din, des choses qu'il était possible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire, mais qu'il n'a pas fait. Ni lui, ni ses compagnons. Ainsi est la bid'a. Et donc les choses inventées, les technologies de notre époque, ne rentrent pas dans la bid'a. Car la base dans ces choses, c'est la permission. Excepté celles qui engendrent un mal, ou celles qui sont utilisées dans le haram. Wa hukm al-bid'a fi al-din bi jami' anwa'iha annaha muharrama wa dalala. لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن زعم أن هناك بدعة حسنة فهو مخطئ ومخالف لهذا الحديث. قال الإمام مالك إمامنا رحمه الله تعالى من ابتلع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Le jugement des innovations, mes frères, dans la religion, quelle que soit sa forme, c'est l'interdiction. Elles sont un égarement. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, toute nouveauté dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et celui qui prétend qu'il existe de bonnes innovations religieuses, alors il s'est trompé et a contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre imam, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, a dit, écoutez cette parole en or, mes frères. Méditez sur cette parole en or de cet imam qui a dit « Et celui qui prétend qu'il existe de bonnes innovations, alors il a prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Il a prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. » Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre au sens approché, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Donc ce qui n'était pas une religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une religion aujourd'hui. Wa min al-bid'a ma huwa kufrun kat-tawaf bil-qubur taqarruban ila ashabiha wa dhabha al-dhaba'ih wa taqdim an-nuzur laha. Wa min al-bid'a ما هو من وسائل الشرك والكفر كالبناء على القبور والصلاة عندها والدعاء عندها. ومن البدع ما هو معصية كالغلو والزيادة في أداء العبادة عن الحد المشروع كالذي يصلي الليل ولا ينام والذي لا يتزوج النساء أو لا يأكل اللحم ويعتبر ذلك من باب الزهد والتقرب إلى الله. Et parmi les innovations, mes frères, il y a des innovations qui sont de la mécréance, du kufr et du shirk, comme le fait de tourner autour des tombes par adoration pour leurs habitants, ou le fait de sacrifier une bête pour une tombe par adoration pour ses habitants, ou le fait de faire un vœu aux morts. Et parmi les innovations, celles qui amènent au shirk et à la mécréance, comme le fait de faire des constructions sur les tombes, de prier vers les tombes, d'invoquer près des tombes. Et parmi les innovations, celles qui sont une désobéissance, comme le fait d'exagérer ou de rajouter dans l'accomplissement des adorations, comme celui qui prie toute la nuit et qui ne dort pas, ou celui qui ne marie pas les femmes, ou celui qui se prive de manger de la viande en prétendant que cela fait partie du zuhd, de l'ascétisme, et de se rapprocher d'Allah. Ayyuhal muslimun, inna al-bid'a تبعد عن الله وعن دين الصحيح وهي شر لا خير فيها. قال الله سبحانه قال صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن العاصية يعترف بخطئه ويتوب أما المبتدع فيرى أنه على الصواب فلا يتوب ولأن المبتدع يشرع دينا لم يأذن به الله ويحاد الله ورسوله ولو حسن قصده فإن حسن القصد وسلامة النية لا يبرران المخالفة للكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أو مسلمان أو مسلمان أو croyant أو croyante les innovations البدعة éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, éloigne de la religion authentique. Elles sont un mal. Il n'y a pas de bien en elles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les pires des choses sont les choses nouvelles dans la religion. L'innovation est plus aimée auprès de Shaitan que les péchés, que la désobéissance. En effet, celui qui fait la désobéissance, celui qui fait un péché, il sait qu'il a tort, il sait qu'il fait un mal. Alors il est possible qu'il se repente, qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui innove, l'innovateur, pense qu'il fait le bien, pense qu'il se rapproche d'Allah par cette innovation, alors il ne se repent pas, il ne demande pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'innovateur a légiféré une religion dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé. Il s'éloigne d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, même si son intention est bonne. Même s'il a une bonne intention, ceci l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, au sens approché, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel d'Ar-Rahman, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Il détourne certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد عباد الله إن من مفاسد البدع أنها تفرق جماعة المسلمين وتجعل المسلمين شيعة وأحزابا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خد خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذا سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أو serviteur d'Allah أو musulman. Parmi les fléaux des innovations, le fait qu'elles divisent le groupe des musulmans, elles ont fait apparaître au sein des musulmans des sectes et des groupes. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour a tracé une ligne sur le sol. Puis il a dit, ceci est la voie d'Allah. Ensuite, il a tracé des traits sur la droite et sur la gauche de cette ligne. Et il a dit, ceci sont les voies où se trouve sur chacune d'entre elles un shaitan qui appelle à cette voie. Et ensuite, il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-la donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous conseille, ainsi vous atteindrez la piété. ومن مفاسد البدع أنها تكسل صاحبها عن فعل السنن بل إن المبتدع يبغض السنن ولهذا تجد المبتدع من أكسل الناس في أداء الواجبات وإحياء السنن وإنما نشاتهم في إحياء البدع وإقامتها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن رواه ابن وداح في البدع ونهي عنها. Parmi les fléaux des innovations, mes frères et mes sœurs, le fait que les innovations écartent celui qui fait ces innovations de l'accomplissement des sunan. Et même l'innovateur déteste les sunan. Voilà pourquoi tu trouves que les innovateurs sont les plus paresseux des gens dans le fait d'accomplir les obligations, dans le fait de faire revivre les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, leurs efforts sont destinés dans les innovations et dans l'accomplissement des innovations. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, il n'y a pas une année qui arrive sans que les gens innovent d'une innovation et font mourir une sunna. Jusqu'à que les innovations vivent et que les sunnas meurent. وبلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن جماعة يجلسون في المسجد حلقا في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة ثم يقول هللوا مئة فيهللون مئة ثم يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. Et on rapporte que Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه a vu un groupe de personnes assis dans la mosquée. Et ces personnes étaient assises en plusieurs groupes. Et à chaque groupe, un homme à leur tête. Et il y avait dans leurs mains des petits cailloux. L'homme à la tête de chaque groupe leur disait « Dites Allahu Akbar 100 fois !» Alors ils jetaient les cailloux et disaient « Allahu Akbar 100 fois !»« Dites la ilaha illallah 100 fois !» Alors ils jetaient les cailloux en disant « La ilaha illallah 100 fois !» Dites Subhanallah 100 fois. Et il jetait les cailloux et disait Subhanallah 100 fois. Fa'atahum ibn Mas'ud radiallahu anhu. Wahum ala tilka al-hal. Faqal ma hadha alladhi arakum tasna'oun. Alors ibn Mas'ud est venu et les a trouvés dans cette situation. Alors il leur a dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qalu ya Aba Abdurrahman. حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. Alors ils ont dit, oh Abu Abd al-Rahman, yani ya Abdullah ibn Mas'ud, ce sont des petits cailloux. Et nous comptons avec ces cailloux en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Alors ibn Mas'ud a dit, قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع حلكتكم أولئك صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملتي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد الخير وكم من مريد للخير لن يصيبه. Alors Ibn Mas'ud leur a dit comptez plutôt vos mauvaises actions, je suis responsable que rien ne se perde de vos bonnes actions, faites attention ô communauté de Mohammed, quelle est rapide votre destruction. Les compagnons de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore nombreux. Les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses ustensiles sont encore en bon état. Yani, il vient juste de mourir. Il vient juste de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, vous êtes sur une voie qui est la voie la plus guidée, vous ouvrez la porte de l'égarement. Il les a condamnés, il les a réprimandés parce qu'ils ont innové dans la religion d'Allah. Ils ont rajouté dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Ils ont pratiqué ce que ni le prophète a fait, ni les compagnons. Pourtant, ils voulaient le bien. Pourtant, ils ne voulaient pas le mal. Pourtant, ils disaient « Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah » des paroles bonnes. Alors, Abdullah ibn Mas'ud leur a dit « Vous ouvrez la porte de l'égarement. » Alors, ils ont dit « Ya Abdullah, nous voulons que le bien. » Alors, Abdullah ibn Mas'ud leur a dit « Combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas ?» Radiyallahu anhu. Fattakullah ya ibadallah. Wahdalu min al bid'ah. Wala tatasahalu fiha. Ou taqulu hada khayr. Hada amal salih. Wa tatasahalu fi hada al amr. La wallah. Inna al bid'ah sharrun. Wa laysat bi khayr. Innaha dalalun. Wa laysat bi amal salih. Ittaqullah ya ibadallah. Tamassaku bi dinikum. فإن الخطر عظيم قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف صراط المستقيم فخرج من الإسلام. Craignez Allah, ô mes frères, ô mes sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez garde aux innovations, prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Ne soyez pas laxistes, ne soyez pas négligents dans celle-ci. C'est une, ne dites pas ceci, eh bien, ceci est une œuvre pieuse. Et vous devenez négligent avec les innovations. Non, Wallah, non. L'innovation est un mal. Elle n'est pas un bien. Elle est un égarement. Elle n'est pas une œuvre pieuse. Craignez Allah, ya serviteur d'Allah. Accrochez-vous à votre religion. Accrochez-vous au Coran. Accrochez-vous à la sunna de votre prophète que vous aimez. Et si vous l'aimez vraiment, alors vous devez le suivre dans tout ce qu'il a dit et dans tout ce qu'il a fait, sans rien rajouter. Et l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, a dit, prends garde aux petites nouveautés religieuses. Hein, quand on dit c'est une petite bid'a, c'est pas grave. Le danger est grand. Car les petites innovations se répètent jusqu'à devenir grandes. Ainsi, toute innovation qui est apparue dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au début était petite et était proche de la vérité. Alors celui qui est tombé dans celle-ci s'est fait tromper. Puis il ne pouvait plus en sortir. Il a donc pris, les innovations ont pris de l'ampleur et sont devenues une religion malheureusement qu'on pratique. Et ainsi ils ont contredit la voie droite et ils sont sortis de l'islam. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسلبا بلاد المسلمين اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة اللهم احفظها من الفتن اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن شر المفسدين ومن شر الأعداء والحاسدين اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هدى مهتدين اللهم أيدهم بالنصر والتوفيق اللهم اجعلهم نصرة لدينك حربا على أعدائك سلما لأوليائك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في فلسطين وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا على الحق واهدنا الصراط المستقيم وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.